pluie. Pourtant, ça veut tellement, tellement, tellement fragile. Venez goûter en moi, moi pis ça caché. Oh, oh, oh, moi pis ça caché. Sorti parce que tu savais dans la déjà gris. Oh, à présent, ou qu'à trembler, ou mis la pierre.